métal. On ne peut y voir aucune trace de sentiment. Il y a bien longtemps que je te connais, pourtant. Avec tes manières d'héroïne, tes fleurs du mal. Cette fille, oh cette fille est impénétrable. Est-elle ange, est-elle diable? Cette fille, est impénétrable. Est-elle ange, est-elle diable? La solitude est pour toi une ligne de vie. Personne ne peut se vanter, moi je viens te connaître. Tu te montres de jour, après disparaître. Pourquoi tout ce mystère autour de ta vie? Cette fille, est impénétrable. Est-elle ange, est-elle diable? Cette fille, oh cette fille, est impénétrable. Est-elle ange, est-elle diable? Tu vis la nuit et puis tu te tairas le jour. On ne peut pas t'en vouloir, le noir te va si bien. À tes bras, tes petites sont-ils seulement dus à l'amour?